Isabelle Bacouche, École des hautes études en sciences sociales. J'avais juste quelques précisions sur le sujet dont on vient de parler. Les conventions, elles sont signées par chaque président d'université qui participe à l'IDEX et ensuite validées par les conseils. La procédure, c'est quoi? Ça, c'est la première question, parce que tout est tellement opaque. Et la seconde, c'est bon, dans le discours de François Hollande qu'il a tenu le 5 mars, je crois, quand Montuber était là, on a pas mal travaillé et questionné sur une petite phrase. Bon, c'est une petite phrase, mais je ne renierai pas la parole de l'État. Alors, on peut penser que c'est uniquement des questions de sous. Je donnerai l'argent qui a été promis, mais du côté de ces conventions, quels sont ensuite les recours, les possibilités, effectivement, de plaider sur le fait qu'elles ont été signées dans telle ou telle condition et que, on pourrait les invalider. Bon, est-ce que vous avez des réponses sur ces questions-là? Merci. Sont simplement des éléments de réponse parce qu'on est en train de travailler là-dessus aussi, enfin à se poser cette question-là. Apparemment, enfin pour l'IDEX par exemple, Paris-Cité, là, dont parlait Marie-Albane et dont sans doute parlait Étienne Boisserie aussi, on a l'impression que les présidents ont signé des lettres d'engagement qui ne sont passées devant aucune instance élue. Hein, c'est-à-dire que, semble-t-il, ils ont déposé avec le dossier des lettres d'engagement qui aujourd'hui sont secrètes. Enfin, qui n'ont jamais été communiquées. Alors, certaines ont été connues comme ça, de manière un peu partielle, à Paris 6, à Paris 4 aussi, enfin, des éléments de ces lettres d'engagement. Ces lettres d'engagement fixent la part de chaque établissement dans le financement de l'IDEX, parce que l'IDEX rapporte de l'argent. Enfin, avec la manière très ambiguë qui a été rappelée, mais l'établissement est supposé fournir de l'argent également au périmètre d'excellence, et en quantité supérieure, semble-t-il, dans certains cas. Dans le cas de notre IDEX, par exemple, ça semble être à la même hauteur, par exemple, que ce qui serait donné. Enfin, tu préciseras. C'est 3,5% pour l'IDEX. 3,5%. Bon. Le budget total de l'IDEX, hein, ce qu'appelle le grand emprunt, c'est 3,5% du budget total. Le reste, c'est du récurrent. Dans le nôtre, voilà, ça semble être par tiers. Mais justement, on va préciser tout ça. Mais encore une fois, on est dans le flou le plus complet. Tous ces engagements ne sont pas connus. Alors, je suppose que les présidents vont essayer maintenant de régulariser leur situation, c'est-à-dire de faire valider ces engagements par les CA. De toute manière, il y a une implication budgétaire, donc les CA vont être interrogés. Donc, ça serait intéressant de savoir ce qui s'est passé dans ceux qui sont en avance, ou en retard, je ne sais pas comment il faut le dire. Enfin, il faut vraiment qu'on se tienne au courant les uns les autres pour savoir comment se passent ces choses qui, encore une fois, se déroulent dans le secret le plus absolu. Ensuite, pour la deuxième partie de votre question, c'est vrai que le candidat Hollande a envoyé plusieurs signaux. Il y a eu la théorie de l'essuie-glace aussi, hein, donc un de ses porte-parole qui a expliqué qu'il n'était pas pour la théorie de l'essuie-glace, ce qui veut dire qu'il n'allait pas supprimer toutes les lois qui avaient été prises pendant le quinquennat Sarkozy. C'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup. C'est vraiment le sens de notre démarche dans l'appel, c'est de dire on ne pourra pas rebâtir l'enseignement supérieur et la recherche sur ce dispositif qu'on a un peu éparpillé avec ces 10 propositions, mais qui en réalité est un tout, enfin un tout extrêmement logique. Si on le laisse en place, il est évident qu'on n'arrivera pas à reconstruire quelque chose de cohérent, même en y injectant un peu plus de démocratie, un peu plus de crédit. Je vais peut-être juste apporter une précision. Alors moi, je ne suis pas au CA de Paris 7, donc je ne sais rien en détail. Je suis juste un personnel lambda de Paris 7. Et en fait, pour l'instant, le public lambda a trois documents à disposition. Le premier document qui est valable pour tout le monde, c'est le règlement des initiatives d'excellence. Donc ça, c'est valable pour tout le monde. Ce règlement précise que les signataires des initiatives d'excellence aux lauréats, donc, doivent faire des lettres d'engagement. Il y a des lettres d'engagement précises. Bon. Alors, dans le cas du projet Sorbonne Paris Cité, pardon, le porteur du projet, c'est le presse. C'est le presse et les 8 établissements qui sont dans le presse donc sont des éléments, des acteurs, voilà, mais concernés à quel titre? Enfin, en tout cas, en principe, c'est le presse qui signe, qui semblerait signer. Le deuxième document dont on dispose, c'est donc ce projet d'IDEX et qui fait apparaître que le presse est le porteur. Le troisième document dont on dispose, ce sont les statuts du presse. Et dans les statuts du presse, il est dit effectivement que le presse ne peut pas prendre d'engagement financier. Ça revient en fait, c'est de la compétence des CA des établissements. Donc voilà les trois documents dont on dispose. À partir de là, on fait des hypothèses. Mais ce qui manque effectivement, ce sont les documents précis d'engagement, notamment d'engagement financier, d'autant que le projet d'IDEX qui est public n'a pas valeur contractuelle. C'est ce que répondent donc les personnes interrogées qui disent bah, c'est un projet. Donc voilà. Et puis d'autant que la dotation budgétaire étant amputée, il sera très vraisemblablement remanié. Donc dans ce flou, voilà ce qu'on peut dire. Mais ce sont des questions à poser, ce sont des questions que les conseils centraux doivent absolument poser. Étienne Boisserie, président de SLU, dans le périmètre d'excellence de cette horreur parisienne. Sur la procédure, pour répondre à votre question, sur la procédure de signature, c'est très simple. C'est prévu dans le règlement auquel a fait référence Marie Alban. Vous avez trois partenaires, vous avez l'État, l'ANR et le porteur. Donc en fait, c'est une convention dite tripartite qui donne les engagements de chacun, c'est-à-dire en réalité les engagements du porteur. Parce que ça ressort extrêmement clairement du règlement IDEX. Ceux qui peuvent se délier de leurs engagements, ce sont l'ANR et l'État. Pour une raison très simple, il y a une toute petite phrase dans ce règlement de 9 pages qui dit que l'ANR ne contribue aux initiatives d'excellence qu'à hauteur des moyens financiers dont il dispose. Alors moi, j'ai discuté hier dans une jolie manifestation avec une collègue qui connaît bien le cas allemand, qui a été évoqué dans mon CA pour expliquer comme quoi tout ça, c'était formidable parce que c'était la Excellence Initiative, juste un décalque français, qui m'a expliqué que dans le cas allemand, la deuxième année, il n'y avait plus d'argent. Restait seulement la gouvernance. Or, c'est bien prévu dans le cas qui nous concerne, l'ANR. L'ANR peut se désengager, l'ANR n'est tenu qu'à hauteur des sommes dont il dispose. Par ailleurs, il y a un problème sur la somme, et là je rebondis sur ce que dit Michel. On a fait le compte, enfin c'est pas moi qui l'ai fait, c'est toi d'ailleurs qui l'as fait Michel, me semble-t-il, qu'avec 800 millions d'euros, ça fait 23 millions d'intérêts par an, donc à se répartir entre 8 établissements. Et j'ai regardé quels étaient les budgets 2010 des 4 universités hein, sur les 8 établissements du presse. J'attends le chiffre précis de Paris 3, mais on est au-dessus du milliard d'euros sur les 4 universités. 333 millions d'euros pour Paris 5, 250 millions, je crois, pour Paris 13, et à peu près l'équivalent pour Paris 7, un peu plus. Donc on est, avec Paris 3, on est au-dessus du milliard d'euros. Donc je vous invite à faire, quand j'aurai le chiffre, je le donnerai, le pourcentage de ce que ça représente. Alors, je reconnais que dans ce projet en particulier, il y a une grosse ambiguïté sur les 3/3, mais ça ne concerne pas l'ensemble. On est bien en deçà à 800 millions d'euros, avec les intérêts, on est bien en deçà des 3,5% de Paris de 4-6, et on est bien en deçà déjà en année 0. Parce que, évidemment, en année 4, en année 6, en année 8, en année 10, 23 millions d'euros, on s'achètera le café avec. C'est tout. Hein. Donc c'est totalement grotesque. Ne restera que la gouvernance, dans le meilleur des cas, si on a les 23 millions d'euros tous les ans, point à la ligne. Et on les aura peut-être même pas, tout simplement, parce que ça n'est pas fait pour ça. Donc il est absolument évident que le point crucial, c'est la signature de la convention. Et là, on revient sur les questions de conseil d'administration. Il y a des conseils d'administration qui ont donné des délégations, en quelque sorte, de négociations à leur président, dont il faudrait voir exactement ce qu'elles recouvrent, mais dont il est absolument certain, à ma connaissance, que dans la plupart des cas, elles n'impliquaient pas des engagements financiers, or c'est crucial en réalité, puisque l'essentiel étant l'engagement financier, que par ailleurs il est impératif, je pense, de lancer un mot d'ordre extrêmement clair sur aucun CA ne peut prendre la moindre décision sans à minima la lettre d'engagement qui est incluse obligatoirement dans le dossier. C'est là encore le règlement ANR, parce que tous les présidents d'université ou tous les présidents d'établissement ont engagé une part significative sans doute du budget de leur établissement. Exemple, chez nous, hein, Sorbonne Paris Cité, c'est 37% des personnels qui sont dedans. Donc on peut bien imaginer qu'il y a certainement au moins plus de 37% des budgets hein, de l'ensemble des établissements qui rentrent dans le périmètre, sans en informer leur conseil. Or, on peut prendre tous les textes qu'on veut, LRU, statut des grands établissements en question, que ce soit l'INALCO ou Sciences Po, etc. C'est le conseil d'administration qui détient la compétence de voter le budget. On ne peut pas aliéner une partie du budget sur 10 ans dans ces conditions-là. C'est absolument délirant. Bon, je suppose que Céline a les idées beaucoup plus claires que moi sur la question. Qui peut accepter qu'un budget d'établissement soit aliéné pour 10 ans par la signature d'un document fait par le président sans en référer à son conseil d'administration? Quand bien même il en aurait référé à son conseil d'administration, il n'a aucun titre à aliéner une partie du budget pour 10 ans. Donc ça, c'est leur point faible. Et si j'ai bien entendu certaines rumeurs, le bureau du presse en question aurait décidé de ne pas communiquer les documents financiers. C'est donc qu'il sait que c'est le point faible. Et c'est donc là qu'il va falloir taper comme des sourds, parce que c'est là, en fait, que quand les collègues se seront aperçus que l'arnaque réside là et que c'est précisément le point faible du truc et en même temps le levier fondamental, je pense que même les plus excellents au fil des conseils d'administration se rendront compte qu'ils se sont fait avoir. Et que ça ne correspond à rien. Et à la fois pour les sommes qui ont déjà été versées pour ceux qui sont passés par la phase 1, à la fois pour les sommes grotesques, enfin, je veux dire, on ne fait pas la manche quand même, 23 millions d'euros, c'est une plaisanterie. Par rapport à ce que ça signifie, ils vont bien se rendre compte qu'il est extrêmement facile de dire on arrête tout. C'est très simple, on arrête tout. On remet dans la MIRES, non, argent qu'on a déjà évidemment payé, puisqu'on avait déjà perdu 125 millions d'euros avec la loi de finances rectificative en 2010. Donc, si vous voulez, la loi de finances rectificative de janvier 2010 a déjà payé les intérêts de 5 IDEX. Hein. Ça y est, ça a déjà été pris. Donc, on remet ces 125 millions d'euros dans la MIRES et on travaille sur l'ensemble du territoire et on arrête ce sketch. Et on repart sur une réflexion. Là, c'est un point de vue personnel, c'est évidemment pas un point de vue de SLU. On repart sur une réflexion où on arrête les âneries sur les presses qui fusionnent dans tous les sens, et etc., etc. On réfléchit calmement à ce que peut être un presse, hein, et comment ça peut se faire. On réintroduit les conseils, etc., etc. Mais là, ce qui est fondamental, c'est d'appuyer là où ça fait mal. Ils ont engagé des signatures d'établissements budgétaire sur une décennie, et donc là ils peuvent se faire prendre. Et s'ils ne se font, et s'ils ne comprennent pas qu'ils peuvent se faire prendre quand on leur dit gentiment, eh ben il faudra taper dans les caisses de certains syndicats ou de certaines associations et au tribunal administratif. Au tribunal administratif. Parce que tout ça va tomber au tribunal administratif, ça c'est sûr. Une petite précision encore sur ces histoires d'engagement. Il y a aussi déjà un problème technique, hein, sur les lettres d'engagement signées par les présidents, sur le fait s'ils donnent, de savoir s'ils ont écrit des chiffres en absolu ou en relatif. En particulier, ce qui nous avait fait très peur en ce qui concerne Paris 6, c'est que la première lettre d'engagement qui était signée par le président, c'était carrément un nombre de millions d'euros consacrés au périmètre d'excellence. Donc si on rentre dans, comme on peut le craindre, des années assez noires où les budgets vont être en diminution dans les universités, la lettre d'engagement, ça veut dire qu'en plus, en pourcentage, ce qui va être versé au périmètre d'excellence va être d'autant plus important. Alors, je crois savoir qu'à Paris 4, le président Molinier avait été un petit peu plus intelligent et avait mis une clause comme quoi il s'engageait à ça que si le budget de l'université restait au moins égal à celui qu'il avait jusqu'à présent. Je n'ai pas vu cette lettre, mais bon, il paraît que c'est comme ça qu'elle est rédigée, mais même comme ça, ça resterait insuffisant de toute façon. Juste une petite remarque. J'ai lu, alors là, ça concerne directement le Presse Université Sorbonne Paris Cité. Je regardais un compte-rendu d'un conseil d'administration de l'année dernière, ou d'il y a quelques mois, dans lequel il y avait une grande discussion sur la question de savoir si justement cet IDEX, une fois qu'il sera accepté, ça devrait passer devant les CA ou pas. Et tous les présidents de gauche, puisque nous sommes un IDEX de gauche, hein, comme tout le monde le sait, hein, on a des superstars, des futurs députés, etc. Hein, on dit que bien sûr, hein, c'était normal. Et il y a une petite phrase de Descoings, et ça finit la conversation, et donc il y a Richard Descoings, deux points, mais bien sûr, ce ne sera pas décisionnel. Point, fin du débat. Alors, on peut retourner vers la convention constitutive du presse, on peut retourner vers le statut du presse, le statut des différents établissements. C'est un sujet juridiquement complexe, mais je pense que faire monter la pression sur le fait que tout est dissimulé au CA, à commencer par les documents financiers qui sont quand même pas rien du tout dans une université, ça peut commencer déjà à faire branler un peu le manche.